我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 带您遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月，请欣赏 DG 唱片出版的奥芬巴赫声乐作品精华集，德国女中音索菲冯奥特演唱的奥芬巴赫著名轻歌剧经典唱段。 Je lui dirai que l'irobe sa politesse, je lui dirai tout sa mère. la seule parole, je n'y comprends rien, mais là rien de rien. Et que le diable, ici de ma carriole, si je connais cette personne, eh bien, dites lui que je suis sensible. Ah, je ne lui dirai. Son discours n'a rien de fini. Ah, je ne lui dirai. Et de tout mon cœur, je m'empresse. Je ne lui dirai. De lui rendre sa politesse. Je ne lui dirai. Il a compris. Oh, bien. Un moment. Oh, Je donnerai mes jours et je les donne.

Ils vont recommencer. Soit, essayons. Ils vont recommencer. S-A-D-D. A-D-D. S-A-D-D. F-G-H. Sapristi, sapristi, je crois, tout s'embrouille. Je ne sais pas, si j'ai bien compris. Je m'aperçois que je m'arbouille. Je ne sais plus ce que je dis. Ce sont eux qu'on peut entendre. Si c'était nous qui nous trompions. Voyons, tâchons de nous comprendre. Je viens, tâchons, nous disions. S-N-S-T. T-P-A-H. X-N-A-Z-N-S-T. T-P-A-H. X-N-A-Z-N-T. X-I-Z-P. X-I-O-P. A-T. Z-P. C-D. Thank you. vivant, ardente flamme, Vénus Adonis, loi d'amour, le feu brûlant, vos folles âmes, il a ce feu. Sektut, patifolleuse,

Je suis sensationnel.